Donc, إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، donc on arrive à un autre point qui confirme qu'est-ce qu'on a enseigné ou qu'est-ce qu'on a expliqué dans les derniers durus. Inshallah. Ça dit, « La yukaffar ahadun min al-muslimin bi kulli zambin. » Donc, c'est-à-dire, on ne déclare pas quelqu'un kafir parmi les musulmans pour tous les péchés. Il dit, « Ya'taqidu ahl sunnah anna al-mu'mina wa in aznaba zunuban kathiratan saghaira kanat au kabair » فإنه لا يكفر بها وإن خرج من الدنيا غير تائب منها ومات على التوحيد والإخلاص فإن أمره إلى الله عز وجل إن شاء عفى عنه وأدخله الجنة يوم القيامة سالما غانما غير مبتلى بالنار ولا معاقب على ما ارتكبه من الذنوب واكتسبه ثم استصحبه ثم استصحبه إلى يوم القيامة من الآثام والأعذار وإن شاء الله عاقبه وعذبه مدة بعذاب النار وإذا عذبه لم يخلده فيها بل أعتقه وأخرجه منها إلى نعيم دار القرار. Donc الشيخ ici أبو عثمان الصابوني il dit que les gens de Ahl Sunnah, ils croient que le croyant, s'il a fait beaucoup de péchés, que ce soit des petits péchés ou des grands péchés, que ce soit des kaba'ir ou des sara'ir, on n'a pas le droit de le déclarer kafir pour ces péchés-là. Et même s'il sort de la dunya, c'est-à-dire même s'il meurt, il quitte la dunya sans repentance, sans s'être repenti de ces grands péchés-là ou de ces petits péchés-là, tant qu'il est mort sur le tawhid et à l'ikhlas, c'est-à-dire qu'il n'a rien adoré en dehors d'Allah, qu'il n'a pas fait de shirk avec Allah subhanahu wa ta'ala, alors Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui va décider de son sort. Dans le sens que, une fois qu'il est sur le tawhid, s'il meurt, même s'il a des grands péchés, même s'il a des petits péchés, même s'il a une grande quantité de péchés, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui va décider de son sort. S'il veut, il va le pardonner, il va le faire rentrer au paradis au jugement dernier, hein, sans qu'il soit puni par l'enfer, et sans qu'il soit puni pour qu'est-ce qu'il a accumulé de péché. Et, yani, si Allah subhanahu wa ta'ala il veut, il va le punir et le châtier dans l'enfer. Et si il le punit dans l'enfer, il ne va jamais le laisser éternellement dedans. Il va sortir par la suite et il va rentrer dans le paradis. Ça, c'est ce que le cheikh a expliqué. Et donc, parfois, des fois, un musulman, il meurt sur un péché qu'il commet et qu'il ne s'est pas repenti de ce péché-là. Toutefois, il a d'autres hasanat qu'il a fait, qui sont venus peut-être effacer une partie ou bien tout qu'est-ce qu'il a fait de péché. Ou bien, il a eu, par exemple, des épreuves dans sa vie, des malaises, des maladies, des douleurs, des fatigues, des choses qui sont venues et qui ont fait que certains de ces péchés ont été expiés à cause de ça. Donc tout ce que tu fais, même le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, même si tu te fais piquer par une aiguille, hein, ça enlève quelque chose de tes péchés. D'accord? Même si tu as une douleur, une maladie ou quelque chose comme ça, des épreuves dans la dunya, tout ça, ça vient enlever de certains de tes péchés. Donc, ça se pourrait bien qu'un musulman qui a commis des péchés dans sa vie, au jugement dernier, Allah subhanahu wa ta'ala pourrait décider de le pardonner à cause de certaines des choses qui l'ont atteint durant sa vie dans la dunya, ou bien à cause de certaines hasanat qu'il a fait, hein, qui ont fait que certains de ses péchés ont été effacés. Ou d'autres raisons que Allah subhanahu wa ta'ala connaît. Et ça a été élaboré dans des livres et par les ulama de l'islam qui ont expliqué des détails à ce sujet-là. Après il dit wa kana shaykhuna al-imam Abu Tayyib Sahl ibn Muhammad al-Sa'luki rahimahullah yaqul al-mu'min al-muznib wa in 'udhiba bin-nar fa innahu la yulqa fiha ilqa' al-kuffar wa la yabqa fiha baqa' al-kuffar wa la yashqa fiha shaqa' al-kuffar. Le cheikh, il dit que son cheikh, Abu Othman, il dit que son cheikh, As-Sa'luki, rahimahullah, il disait que le musulman croyant qui a fait des péchés, quand il est puni dans l'enfer, il ne sera pas puni dans l'enfer de la même façon que les kuffars. C'est-à-dire le musulman, le muwahhid, il ne va pas être puni dans l'enfer de la même façon que le kafir ou le mushrik qui est dans l'enfer. Et il ne sera pas non plus jeté dans l'enfer de la même façon que le kafir est jeté dans l'enfer. Et il ne sera pas malheureux dans l'enfer de la même façon que le kafir. C'est-à-dire, même s'il est dans l'enfer avec les mushrikines et les kuffars, étant donné qu'il est muwahhid, qu'il a le tawhid, qu'il a la base de la foi, il ne va pas subir la même, ni le même degré de châtiment, et le même degré d'humiliation, et le même degré de traitement que le mushrik et le kafir. Il dit ومعنى ذلك أن الكافر يسحب على وجهه إلى النار ويلقى فيها منكوسا في السلاسل والأغلال والأنكال الثقال والمؤمن المذنب إذا ابتلي في النار فإنه يدخل النار كما يدخل المجرم في الدنيا السجن على الرجل من غير إلقاء وتنكيس ومعنى قوله لا يلقى في النار إلقاء الكفار أن الكافر يحرق بدنه كله كلما نضج جلده بدل جلدا غيره ليذوق العذاب كما بينه الله في كتابه في قوله تعالى إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوق العذاب أما المؤمنون فلا تلفح وجوههم النار ولا تحرق أعضاء السجود منها إذ حرم الله على النار أعضاء سجوده. Donc le cheikh il explique, il dit que le kafir, quand il sera jeté en enfer, il va être jeté sur son visage dans le feu, et il va être jeté dans l'enfer humilié, entouré de chaînes et de carcans, et de carcans et de chaînes très lourdes. Et le mu'min qui fait des péchés, s'il est éprouvé par le feu, et s'il est châtié dans le feu, le musulman qui est croyant, qui rentre dans le feu, il va rentrer dans le feu comme un criminel rentre dans la prison dans ce monde, c'est-à-dire sur ses deux pieds. Il ne va pas être jeté la face la première dans l'enfer comme le kafir. Et la signification, quand le cheikh il mentionne et qu'il dit que son cheikh As-Sa'lou qui a dit qu'il ne sera pas jeté dans le feu comme les koufars sont jetés, c'est-à-dire que le kafir, le feu va brûler tout son corps en entier. Le kafir, le feu va brûler le corps du kafir au complet. Et chaque fois que sa peau va être calcinée ou brûlée complètement, Allah subhanahu wa ta'ala va lui redonner une nouvelle peau fraîche pour qu'il puisse goûter le châtiment de l'enfer encore une fois. À chaque fois que sa peau est finie, Allah subhanahu wa ta'ala lui donne une nouvelle peau. Hein? Wal'iyadu billah. Donc, le cheikh il dit, ça c'est mentionné comme, et c'est clarifié dans le verset, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit, le verset 56 dans surat An-Nisa, ceux qui ont mécru en nos signes, nous les brûlerons dans l'enfer, chaque fois que leur que leur peau sera brûlée ou calcinée, on leur donnera une autre peau pour qu'ils puissent goûter au châtiment. Toutefois, les croyants, le feu ne brûlera pas leur visage et les membres sur lesquels ils se sont prosternés à Allah subhanahu wa ta'ala ne seront pas brûlés par le feu de l'enfer. Et le Cheikh Ibn Wama a قوله لا يبقى في النار بقاء الكفار أن الكافر يخلد فيها ولا يسجد ولا يخرج منها أبدا ولا يخلد الله من مذنب المؤمنين في النار أحدا. ومعنى قوله لا يشقى بالنار شقاء الكفار أن الكفار ييأسون فيها من رحمة الله ولا يرجون راحة بحال أما المؤمنون فلا ينقطع طمعهم من رحمة الله في كل حال وعاقبة المؤمنين كلهم الجنة لأنهم خلقوا لها وخلقت لهم فضلا من الله ومنه. En ce qui concerne l'explication que le cheikh a expliquée au sujet du feu de l'enfer, que ça ne brûlera pas les membres où ils se sont prosternés, ça a été mentionné dans les hadiths, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a expliqué que, par exemple, l'endroit où la marque de prosternation ne sera jamais brûlée par le feu, hein, et qu'on va reconnaître les gens dans l'enfer qui ont été mouminés par la marque de prosternation et des signes de ce genre. Et il dit que le cheikh il dit que la signification du lorsque le cheikh il dit qu'il ne restera pas dans le feu de la même façon où ils ne vont pas demeurer dans le feu comme les koufars vont demeurer, ça c'est parce que les koufars eux ils vont demeurer en enfer et ils n'en sortiront jamais, hein, tandis que les mu'minines, les croyants qui ont fait des péchés, aucun d'entre eux ne sera éternellement dans l'enfer, hein. Et quand le cheikh a dit et ils ne seront pas malheureux dans l'enfer de la même façon que les koufars sont malheureux, c'est parce que les koufars, eux, ils ont perdu dans l'enfer, les koufars ont complètement perdu l'espoir de la miséricorde d'Allah, et ils n'espèrent aucun répit, aucun repos, d'aucune façon. Tandis que les croyants, eux, ils ne perdront jamais l'espoir de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala à aucun moment et dans aucun état. Donc, le cheikh il dit pour terminer ce point-là que la conclusion ou la destination ou la fin des croyants, leur conclusion ou leur fin sera tous à eux tous le paradis. Ils seront tous à la fin dans le paradis parce qu'ils ont été créés pour le paradis et le paradis a été créé pour eux et c'est une grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala et une faveur de sa part. Donc, ça c'est pour ce point-là. Ensuite, le cheikh il parle d'un autre point qui est « Hukmu tarik salah amdan », le verdict au sujet de la personne qui a abandonné la salah volontairement ou bien intentionnellement. Le cheikh il dit « Ikhtalafa ahlul hadithi fi tarkil muslimi salat al-fardi muta'ammidan, fa kaffarahu bidhalika Ahmad ibn Hanbal wa jama'atun min ulama'i salaf, وأخرجوه به من الإسلام للخبر الصحيح المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بين العبد والمشرك والشرك وترك الصلاة بين العبد والشرك ترك الصلاة فمن تركها فقد كفر أو فمن ترك الصلاة فقد كفر. وذهب الشافعي وأصحابه وجماعة من علماء السلف رحمة الله عليه مجمعين إلى أنه لا يكفر به أو لا يكفر به ما دام معتقدا لوجوبها، وإنما يستوجب القتل كما يستوجبه المرتد عن الإسلام. وتأول الخبر من ترك الصلاة جاحدا كما أخبر سبحانه عن يوسف عليه السلام أنه قال إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون، ولم يكن تلبس بكفر فارقه ولكن تركه جاحدا له. Donc ici le chef qu'est-ce qu'il fait, il mentionne la position des gens de Ahlul Hadith au sujet de la personne qui a abandonné la prière intentionnellement. Il dit que il y a une différence d'opinion parmi les gens de Ahlul Hadith à ce sujet-là. Ils ne sont pas tous d'accord. Donc, il dit que si le musulman à abandonner une prière obligatoire intentionnellement, il y a parmi les ulama de Ahlul Hadith certains qui l'ont déclaré kafir. Comme par exemple l'imam Ahmad ibn Hanbal et un groupe parmi les ulama des salaf. Ils l'ont déclaré comme étant en dehors de l'islam complètement, à cause des narrations hein, et des hadiths qui ont été rapportés authentiquement de la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam à ce sujet-là, comme par exemple le hadith qui dit « Entre le serviteur et le shirk, il y a le fait d'abandonner la salah, et celui qui abandonne la salah, il a mécru, faqad kafar. » Et il dit qu'il y a d'autres ulama, parmi les ulama de Ahlul Hadith et des ulama des salaf, comme par exemple l'imam al-Shafi'i et ses compagnons, et d'autres parmi les groupes, un autre groupe parmi les ulama également, eux, ont dit qu'il n'est pas mécréant, tant qu'il croit en l'obligation de faire la salah. Et toutefois, il mérite quand même l'exécution, ou d'être exécuté pour avoir abandonné cette prière, et il dit que le hadith qui parle du fait que celui qui abandonne la salat est kafir, ils l'ont expliqué d'une autre façon en disant que ça c'est pour celui qui l'a abandonné en niant son obligation ou en rejetant son obligation, d'accord? Comme dans le verset de surat Yusuf alayhi salam, le verset 37, il dit إِنِّي تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ. C'est-à-dire que dans ce verset-là, at-tark, le fait d'abandonner, ça veut dire en fait de quitter la foi et de la rejeter. Donc ils ont expliqué que dans le hadith ici, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam parle d'abandonner la salat, il parle plutôt de rejeter son obligation. En se basant sur ce verset-là. Et il y en a d'autres ulama qui ont expliqué également, comme par exemple, qu'il y a beaucoup d'autres péchés que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a décrit comme étant kufr ou shirk, sans que ce soit des choses qui fassent sortir de l'islam en elle-même. Comme par exemple, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que, par exemple, sibabul muslimi fusuq wa qitaluhu kufr, hein, d'insulter le musulman, c'est un grand péché, et de combattre ses coffres. Et dans un verset dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit « وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينِ اِقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَهُمَا عَلَى الْأُخْرَ فَقَتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ. » En tout cas, c'est pour dire que dans ce verset-là, Allah subhanahu wa ta'ala a parlé de deux groupes de croyants qui se combattent l'un contre l'autre, et il les a qualifiés comme étant des mu'minines. Et juste après, Allah subhanahu wa ta'ala dit quoi? Il dit innamal mu'minuna ikhwa. Juste après ce verset-là, Allah dit les croyants ne sont que des frères. Donc ça veut dire que le fait qu'ils se sont combattus, ça ne veut pas dire qu'ils sortent de l'islam. Sauf que c'est un péché tellement grand qu'il a été décrit comme étant un kufr ou une mécréance. Mais ce n'est pas le kufr qui est majeur, mais c'est une forme de kufr qui est un kufr mineur. Parce que le kufr est de deux catégories, al-kufr al-akbar qui fait sortir de la foi, et al-kufr al-asrar qui ne fait pas sortir de la foi. Et c'est pour ça que les ulama qui disent que celui qui a abandonné la prière, c'est-à-dire qui n'a pas fait la prière, mais qui a reconnu son obligation, celui-là ils disent que son kufr, il y en a qui disent que c'est un kufr akbar, qu'il sort de l'islam, et il y a d'autres parmi les ulama d'Ahl al-Sunnah qui disent non, c'est un kufr, mais c'est un kufr mineur, et il ne quitte pas la foi pour l'avoir fait sans qu'il reconnaisse son obligation. Toutefois, celui qui fait la salat et qui nie l'obligation de la salat, il est kafir, même s'il fait la salat, parce qu'il a nié l'obligation de la salat. Hein? C'est comme celui qui a, par exemple, qui ne boit pas d'alcool mais qui dit que l'alcool est halal, ou qui ne fait pas le zina mais qui dit que le zina est halal. Il est kafir parce qu'il a opposé la révélation et il a nié ce qu'Allah a révélé, qu'il a dit le contraire de ce qu'Allah a dit. Donc ça c'est un point important à ce sujet-là. Mais comme il y a beaucoup de gens qui pensent ça, comme par exemple quand on dit que la prière, il y en a qui disent la prière, bon ça fait pas sortir de l'islam. Bon, ceux qui disent que la prière ça fait pas sortir de l'islam, est-ce que ça veut dire qu'on ouvre la porte aux gens pour dire ah ça c'est pas grave, continuez à pas faire la prière? Non, au contraire. Si les ulama ils ont dit que c'est pas kufr, mais ils ont quand même, c'est-à-dire ça fait pas sortir de l'islam, c'est pas un kufr majeur, mais c'est quand même un péché que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a qualifié d'être kufr. Et les ulama ont dit un péché que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a qualifié comme étant kufr, c'est plus grand que les plus grands parmi les kabaïr. Hein? Ils ont dit que de pas faire la salat, c'est pire que de boire l'alcool, c'est pire que de manger du porc, c'est pire que de faire le zina, c'est pire que de tuer. Hein? Donc c'est pas quelque chose qui est facile ou qui est comme négligeable. Il y a des musulmans qui disent non, moi je fais pas la salat, mais je mange pas de porc. Ils pensent que de manger du porc, c'est plus grave que de pas faire la salat. Alors que c'est pas vrai. Pas faire la salat, c'est beaucoup pire, c'est pire encore que de, yani, c'est pire que de manger du porc, que de voler, de tuer, de faire le zina et des choses de ce genre. Et l'exemple qu'on a donné tout à l'heure, quand on a parlé des gens qui seront en enfer parmi les pécheurs, parmi les musulmans, on les reconnaîtra par la marque de prosternation dans l'enfer. Donc c'est un signe pour dire que celui qui ne fait pas la salat, comment on va faire pour le, hein, est-ce qu'on va le reconnaître dans l'enfer? Bon, c'est sûr que, peut-être que oui, Allah subhanahu wa ta'ala, ceux qui vont faire miséricorde à certains d'entre eux, Allahu a'lam. Mais la question c'est pas ça, c'est que, yani, il faut comprendre que ceux qui font pas la salat parmi les musulmans, comment on doit agir avec eux, c'est de leur faire le da'wah, et de leur rappeler l'obligation, et de leur faire comprendre l'importance de la salat, hein. Et puis petit à petit, inshallah, ils vont comprendre que ça c'est le lien qu'ils ont avec Allah, c'est la relation qu'ils ont avec leur Créateur, hein. Et donc c'est le deuxième pilier de l'islam après la ilaha illallah, hein. Donc comment tu peux négliger cette importance là? Non, celui qui fait pas la salat mais qui reconnaît son obligation, selon comme je te dis, selon l'imam al-Shafi'i et d'autres parmi les ulama, ils ont dit non, il n'est pas kafir celui-là. Toutefois il y a d'autres ulama qui disent oui, c'est pour ça. Donc sur ce point là il y a un khilaf entre les ulama. Et on ne peut pas utiliser ce khilaf comme certains, par exemple, qui essaient de traiter les ulama qui n'ont pas déclaré celui qui ne fait pas la salat comme étant kafir, ils l'utilisent ça comme preuve, ils disent « Ah, ça c'est des murji'a parce qu'ils ne disent pas qu'ils sont kuffars ». Et il y a les autres qui essaient peut-être de dire « Ah, ceux-là ils disent qu'ils sont des kuffars parce qu'ils ne font pas la salat, donc c'est des khawarij ». Non, on voit que les ulama, ils ont mentionné qu'il y a ce khilaf et il n'y a jamais eu un groupe d'entre eux qui a dit à l'autre vous êtes des murji'a, ou l'autre qui dit vous êtes des khawarij. Hein? Et ceux qui font ça, c'est souvent des gens de bid'a eux-mêmes, ceux qui cherchent à accuser les autres de ces choses-là, yani, souvent c'est eux qui sont des mubtadi'a. Ensuite, le cheikh il mentionne un autre point, il dit وَمِنْ قَوْلِ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ فِي أَكْسَابِ في أكساب العباد أنها مخلوقة لله تعالى لا يمترون فيه ولا يعدون من أهل الهدى ودين الحق من ينكر هذا القول وينفيه. Donc il dit que les gens de, là il parle en fait des choses qui ont rapport avec le qadar. Maintenant il rentre dans la question de la prédestination et il dit que parmi les positions ou les paroles de Ahl Sunnah wal Jama'ah, c'est que tout ce que les serviteurs ont acquis d'action, elles sont toutes créées par Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Et les ulama d'Ahl Sunnah, ils ne considèrent pas quelqu'un comme étant sur la guidance et sur la vérité, la religion de vérité, s'il nie cette position-là et cette parole-là. Donc il faut croire que les actions qu'on fait, peu importe qu'elles soient bonnes ou mauvaises, peu importe les choses qu'on fait, c'est Allah qui les a créés, nos actions. Hein? Et l'imam al-Bukhari, il a un livre qu'il a écrit à ce sujet-là qui s'appelle « Khalq af'al al-ibad ». Hein? Et il réfute dans ce livre-là les Jahmiya et les Mu'tazila à ce sujet-là et au sujet des autres, de l'Qadar et des autres sujets de l'Aqidah. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé nos actions, mais il faut distinguer aussi entre, par exemple, le fait de faire l'action et de créer l'action. Allah subhanahu wa ta'ala a créé l'action, mais c'est pas lui qui fait l'action. Hein, comme par exemple, quand on mange, c'est Allah qui a créé l'action de manger qu'on fait. Mais c'est pas lui qui mange. Hein. Il y a des gens parmi les gens de Bid'a, comme les Jabriya, ils disent il faut attribuer tout ce qu'on fait à Allah subhanahu wa ta'ala. Que c'est pas nous-mêmes qui faisons ce que nous faisons, c'est Allah qui le fait. Et donc ils sont tombés dans des graves problèmes en fait, et ils ressemblent un peu aux gens qui ont la croyance en Wahdatul Wujud, et qui disent que tout est Allah, et que Allah est tout, et donc tout ce qu'on fait, c'est Allah qui le fait. Donc ça c'est un exemple également de la part de ces gens-là, et c'est la aqida des Jahmiya aussi. Donc on va s'arrêter ici, je pense. Hein, il reste combien de temps? 10 minutes pour la prière? Ok. Donc on n'a pas le temps de continuer, parce que le prochain point, il fait deux pages, et puis si on commence, on ne pourra pas le terminer. Donc on va s'arrêter à ce point-là, Inch'Allah. Et puis le prochain point, c'est Al-Hidayah min Allah, c'était la guidance qui vient d'Allah. Donc on va s'arrêter là, puis si Allah nous permet, peut-être que on aura peut-être une autre occasion de le terminer. Sinon, ben comme je vous dis, on le fera à Montréal, on le terminera à Montréal, puis je le mettrai sur sur Internet pour que vous puissiez, Inch'Allah, suivre et terminer, Inch'Allah, et connaître ce livre jusqu'à la fin, Inch'Allah. Donc on va s'arrêter ici. Subhanakallah wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayhi.